Exercice 8, page 48. Virelangue. J'ai jeté tes jeux préférés. J'ai jeté tes jeux préférés. J'ai jeté tes jeux préférés.